FSI, French Revised, Unit 5, Tape 3. Lexical Drill A-17. Il fait toujours mauvais dans cette région. Il fait toujours mauvais dans cette région. Toujours beau. Il fait toujours beau dans cette région. Toujours sec. Il fait toujours sec dans cette région. Toujours froid. Il fait toujours froid dans cette région. Toujours frais. Il fait toujours frais dans cette région. Toujours chaud. Il fait toujours chaud dans cette région. Toujours humide. Il fait toujours humide dans cette région. Toujours mauvais. Il fait toujours mauvais dans cette région. Lexical Drill A-18. Il fait toujours mauvais dans cette région. Il fait toujours mauvais dans cette région. Il pleut toujours. Il pleut toujours dans cette région. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau dans cette région. Il y a toujours du vent. Il y a toujours du vent dans cette région. Il fait toujours froid. Il fait toujours froid dans cette région. Il neige toujours. Il neige toujours dans cette région. Il fait toujours sec. Il fait toujours sec dans cette région. Il y a toujours du vent. Il y a toujours du vent dans cette région. Il gèle toujours. Il gèle toujours dans cette région. Il fait toujours mauvais. Il fait toujours mauvais dans cette région. Lexical Drill A-19. Ma femme n'aime pas la chaleur. Ma femme n'aime pas la chaleur. Je n'aime pas. Je n'aime pas la chaleur. Les enfants n'aiment pas. Les enfants n'aiment pas la chaleur. Nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas la chaleur. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la chaleur. Mes parents n'aiment pas. Mes parents n'aiment pas la chaleur. Ma sœur n'aime pas. Ma sœur n'aime pas la chaleur. On n'aime pas. On n'aime pas la chaleur. Ma femme n'aime pas. Ma femme n'aime pas la chaleur. Lexical Drill A-20. Ma femme n'aime pas la chaleur. Ma femme n'aime pas la chaleur. Le printemps. Ma femme n'aime pas le printemps. La neige. Ma femme n'aime pas la neige. L'hiver. Ma femme n'aime pas l'hiver. Le soleil. Ma femme n'aime pas le soleil. Le froid. Ma femme n'aime pas le froid. Le vent. Ma femme n'aime pas le vent. La région. Ma femme n'aime pas la région. La Normandie. Ma femme n'aime pas la Normandie. La chaleur. Ma femme n'aime pas la chaleur. Lexical drill A21. Il y pleut très souvent. Il y pleut très souvent. Il y fait froid. Il y fait froid très souvent. Il y neige. Il y neige très souvent. Il y fait humide. Il y fait humide très souvent. Il y gèle. Il y gèle très souvent. Il y fait chaud. Il y fait chaud très souvent. Il y fait mauvais. Il y fait mauvais très souvent. Il y pleut. Il y pleut très souvent. Lexical drill A22. En tout cas, les automnes y sont très humides. En tout cas, les automnes y sont très humides. Très sec. En tout cas, les automnes y sont très secs. Très froid. En tout cas, les automnes y sont très froids. Très beau. En tout cas, les automnes y sont très beaux. Très frais. En tout cas, les automnes y sont très frais. Très chaud. En tout cas, les automnes y sont très chauds. Très mauvais. En tout cas, les automnes y sont très mauvais. Très humide. En tout cas, les automnes y sont très humides. Lexical drill A23. Et ici, quel temps fait-il en hiver? Et ici, quel temps fait-il en hiver? Et là-bas? Et là-bas, quel temps fait-il en hiver? Et à Paris? Et à Paris, quel temps fait-il en hiver? Et dans cette région? Et dans cette région, quel temps fait-il en hiver? Et au bord de la mer. Et au bord de la mer, quel temps fait-il en hiver? Et à Lille. Et à Lille, quel temps fait-il en hiver? Et dans le midi. Et dans le midi, quel temps fait-il en hiver? Et près de l'Atlantique. Et près de l'Atlantique, quel temps fait-il en hiver? Et ici? Et ici, quel temps fait-il en hiver? Lexical drill A24. Cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Moins chaud. Cette année, il a fait moins chaud que l'année dernière. Moins beau. Cette année, il a fait moins beau que l'année dernière. Moins mauvais. Cette année, il a fait moins mauvais que l'année dernière. Moins humide. Cette année, il a fait moins humide que l'année dernière. Moins sec. Cette année, il a fait moins sec que l'année dernière. Moins frais. Cette année, il a fait moins frais que l'année dernière. Moins froid. Cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Lexical drill B1. Ma femme n'aime pas la chaleur. Ma femme n'aime pas la chaleur. Nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas la chaleur. La Normandie. Nous n'aimons pas la Normandie. Mes amis n'aiment pas. Mes amis n'aiment pas la Normandie. Mon auto. Mes amis n'aiment pas mon auto. Je ne vois pas. Je ne vois pas mon auto. Votre ami. Je ne vois pas votre ami. On ne trouve pas. On ne trouve pas votre ami. Les bijoux. On ne trouve pas les bijoux. Ma femme n'aime pas. Ma femme n'aime pas les bijoux. La chaleur. Ma femme n'aime pas la chaleur. Lexical drill B2. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait pendant le week-end? L'année dernière. Qu'a-t-elle fait l'année dernière? Où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé l'année dernière? En septembre. Où êtes-vous allé en septembre? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait en septembre? Cet après-midi. Qu'ont-ils fait cet après-midi? Que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire cet après-midi? Pendant le week-end. Que comptez-vous faire pendant le week-end? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Lexical drill B 3. Elle est meilleure que l'autre. Elle est meilleure que l'autre. Il est plus grand. Il est plus grand que l'autre. Que le marron. Il est plus grand que le marron. Il est moins cher. Il est moins cher que le marron. Que le premier. Il est moins cher que le premier. Il est plus fort. Il est plus fort que le premier. Que l'autre. Il est plus fort que l'autre. Elle est meilleure. Elle est meilleure que l'autre. Lexical drill B 4. Il a une villa en Normandie pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Ils ont une villa. Ils ont une villa en Normandie pour la saison. Dans le midi. Ils ont une villa dans le midi pour la saison. Pour l'été. Ils ont une villa dans le midi pour l'été. Il me faut une villa. Il me faut une villa dans le midi pour l'été. Au bord de la mer. Il me faut une villa au bord de la mer pour l'été. Pour la saison. Il me faut une villa au bord de la mer pour la saison. Il a une villa. Il a une villa au bord de la mer pour la saison. En Normandie. Il a une villa en Normandie pour la saison. Lexical drill B 5. Il fait toujours mauvais dans cette région. Il fait toujours mauvais dans cette région. Il pleut très souvent. Il pleut très souvent dans cette région. Là-bas. Il pleut très souvent là-bas. Il y a toujours du soleil. Il y a toujours du soleil là-bas. Dans le midi. Il y a toujours du soleil dans le midi. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau dans le midi. À Paris. Il fait toujours beau à Paris. Il ne neige pas souvent. Il ne neige pas souvent à Paris. Dans cette région. Il ne neige pas souvent dans cette région. Il fait toujours mauvais. Il fait toujours mauvais dans cette région. Questions on the dialogue. Monsieur Moreau est allé quelque part pendant le week-end? Oui, il est allé quelque part. est-il allé? Il est allé à Versailles. Par le train? Non, en auto. Par l'ancienne route? Non, par la nouvelle. Comment est-elle? Elle est meilleure que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas glissante du tout. Est-elle glissante quand il pleut? Non, elle n'est pas glissante du tout. Est-elle moins jolie que l'ancienne? Non, elle est plus jolie que l'ancienne. Pourquoi? Parce qu'elle traverse la forêt. Monsieur Moreau va-t-il à la campagne ou au bord de la mer? Il ne sait pas encore, mais il voudrait du soleil. Quel temps fait-il dans le midi? Il y fait chaud et sec. Madame Moreau aime-t-elle la chaleur? Non, elle n'aime pas la chaleur. Quel temps fait-il au bord de l'Atlantique? Il y fait beau et frais. Critique-t-on le midi? Non, on critique la Normandie. Pleut-il souvent dans le midi? Non, il ne pleut pas souvent. Où pleut-il souvent? Il pleut souvent en Normandie. Vous ne trouvez pas que M. Moreau exagère? Si, je trouve qu'il exagère. This is the end of tape 3, unit 5.